me semblait que Michel au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment le talent est-il une notion indéfinissable, demande le sociologue Pierre-Michel Minger. Quels sont les régimes de création et d'évaluation dans les notions de talent et de génie? Comment l'originalité, comme différenciation singularisante, devient-elle une valeur suprême? Le génie est-il possédé par l'inspiration ou relève-t-il d'un travailleur obsessionnel? Pierre-Michel Minger nous rappelle d'ailleurs un Keynes s'attachant à montrer dans un essai Newton en travailleur acharné et puissamment concentré. Pierre-Michel Minger, sociologue, passé par la philosophie et Normale Sup, qui a dirigé au CNRS un groupement de recherche consacré à l'analyse comparée de la valeur artistique en sociologie et en économie entre 1988 et 1995, met en valeur une approche résolument pluridisciplinaire à la croisée de la sociologie, de l'économie, du droit et de l'histoire pour renouveler l'analyse théorique et empirique du travail, des marchés et des modèles d'acteurs dans les sciences sociales. Dans le cadre de sa chaire au Collège de France, consacrée à la sociologie du travail créateur, il poursuit sa belle et stimulante enquête consacrée à la question du talent. Il interroge notamment les typologies des conceptions du génie et ce qu'il appelle les cycles d'émancipation charismatique et de routinisation. En fin de cours, Pierre-Michel Minger cite sa directrice de doctorat, Raymonde Moulin, qui a écrit dans l'ouvrage « De l'artisan au professionnel, l'artiste » en 1983, et je reprends cette citation significative. « Notre héritage, écrit-elle, nous lègue trois images sociales de l'artiste. L'artisan, homme de métier, l'académicien, homme de métier et de savoir, l'artiste créateur, Dieu libre. Les deux premières images sont associées à des modes de professionnalisation. La dernière est une image charismatique destinée à combattre la routinisation des institutions professionnelles, corporations ou académies. Voilà tout l'enjeu. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 17 février 2017 pour le cours de Pierre-Michel Minger, La question du talent dans les arts et les industries créatives, suite. Je voudrais en venir maintenant à l'autre notion majeure du vocabulaire et de la production et de l'évaluation dans les arts, qui est complémentaire ou substitutive de celle de talent et qui a son histoire propre, c'est celle de génie. La différence entre l'usage du vocabulaire du talent et celui du génie tient d'abord à ceci. Le talent peut désigner une graduation de l'éminence, l'artiste ou du savant, sur une échelle limitée, alors que la graduation qui place au sommet le génie opère sur des échelles temporelles beaucoup plus vastes et dans un nouveau régime d'historicité. Pour parler comme mon collègue François Hartog, celui de l'institution des héritages et des patrimoines en bien public. Et de manière donc beaucoup plus ouvertement rétrospective que l'emploi de la notion de talent, qui a d'abord cette signification capacitaire dont j'ai parlé. Si l'échelle des évaluations s'allonge vers des sommets sans limite définie et assignable, l'enquête n'en est que plus dramatisée sur la question des causes. Quels sont donc ces facteurs remarquables de réussite qui sont tels qu'ils peuvent condenser de multiples évaluations passées et présentes sur un tout petit nombre d'artistes jugés non seulement talentueux, mais géniaux. Le problème posé est d'autant plus redoutable que la hiérarchie d'éminence et d'excellence est fondée sur une combinaison de critères dont la spécification est très variable pour chacun des critères pris isolément. Nous l'avons vu la fois dernière. Mais dans la spécification est encore beaucoup plus variable quand il s'agit de supposer les effets des interactions entre ces critères. Et le problème est rendu encore plus aigu si nous avons affaire à un nouveau régime de création dans lequel l'artiste est évalué d'après sa capacité à ne plus se laisser définir par des critères d'évaluation existants. Dès lors que les artistes et les œuvres les plus admirées sont celles et ceux qui innovent et se distinguent par leur originalité. C'est un mot-clé qui reviendra souvent aujourd'hui. Il y a là une aporie qui est indépassable. Comment un créateur peut-il produire quelque chose qui émerge d'un environnement de conventions, de règles, d'arrangements, d'héritages, de déterminations, et qui pourtant doit se libérer de cette pesanteur des déterminismes en faisant mieux qu'extrapoler l'état existant de la création, mais sans tomber dans l'insignifiance de la fantaisie gratuite. Et ensuite, comment juger donc ce qui est ainsi produit ? L'étonnement et l'admiration devant des solutions inédites et des réalisations imprévisibles, mais convaincantes, défient le raisonnement par les causes génératrices d'un résultat et le raisonnement par les critères d'évaluation. Voilà pourquoi les mythologies se substituent si vite aux analyses causales pour créer en quelque sorte une atmosphère d'explication et des schèmes d'évaluation sur la base d'arguments qui sont fonctionnellement incertains et indéterminés. Je vais me placer maintenant dans une configuration à deux régimes de production totalement différents. Dans un premier régime, appelons-le le régime où le talent est mis en avant, on recherche chez les artistes des qualités qui sont multiples, mais sans que la valeur de modèle, de ceux auxquels on peut se référer dans l'histoire du domaine, soit récusée, ni que l'imitation soit rejetée, ni que les idéaux canoniques qui définissent par exemple la beauté soient relativisés. C'est la combinaison des critères de réalisation qui crée un espace de différenciation et de concurrence. On l'a vu dans le cas des peintres. Et donc le talent, c'est cette combinaison de qualités reconnues à quelqu'un qui réussit mieux que d'autres sur la base de l'évaluation de ses réalisations. Il a cette capacité, ce potentiel d'origine énigmatique, inné, dit-on souvent, pour réaliser quelque chose de remarquable, mais sans que l'apprentissage soit écarté comme un repoussoir du talent. Vous vous souvenez des définitions acquis ou inné. Les deux sont ouverts. Dans le second régime, la différenciation individualisatrice est fondée sur principalement l'originalité. Ce critère est ouvertement énoncé comme le critère surplombant dans la compétition. Et il deviendra un critère juridique dans la fondation du droit de la propriété littéraire et artistique. Et ce critère d'originalité fissure progressivement le corps de règles qui sont établies sur l'influence des chefs-d'œuvre du passé. Il fissure la hiérarchie des genres et il récuse la valeur positive de l'imitation respectueuse des canons esthétiques hérités. Le génie, tel que sa notion est élaborée à partir du XVIIIe siècle, devient certes la valeur et la capacité attribuées à quelqu'un sur la base d'accomplissements qui sont observés et qui doivent être exceptionnels, mais tout ça figure dans un autre régime de travail créateur et, comme je l'ai dit, dans un autre régime d'historicité. A-t-on une chance quelconque de pouvoir définir cette source de valeur dans un régime de création dont le moteur est précisément la concurrence par l'originalité, c'est-à-dire par l'aptitude à se soustraire à toute objectivation des facteurs de succès? Si cette objectivation des facteurs de succès était possible, elle rendrait le succès prévisible et anéantirait donc la valeur de nouveauté associée à l'originalité et rendrait éventuellement aussi insignifiantes les œuvres une fois qu'elles sont déplacées de leur contexte historique de création et transportées dans le temps de l'admiration durable ou indéfinie que procure la patrimonialisation. Autrement dit, l'objectivation figerait dans leur singularité les œuvres sans leur offrir la moindre chance de prétendre à être universellement admirées. Et comment donc juger ainsi ce qui est produit ? L'étonnement et l'admiration devant des solutions inédites et des réalisations imprévisibles et convaincantes défient donc le raisonnement par les causes et le raisonnement par les critères évaluatifs. Il y a quelque chose de dérangeant dans toute enquête généalogique sur les notions, telles que celles que j'évoque aujourd'hui et la fois dernière déjà, qui cherchent à qualifier les facteurs de la réussite dans des activités hautement non routinières qui impliquent l'invention, la créativité, l'émergence du nouveau. On l'a vu, le problème de définition est perpétuel et il se repose directement, vous allez le voir, aujourd'hui. D'autre part, l'enquête se fonde souvent sur des mythes qui font intervenir des forces surnaturelles ou des facteurs énigmatiques. Comme l'écrit le philosophe Gilbert Ryle dans « The Concept of Mind », qui est paru en 1949, un mythe n'est bien sûr pas une histoire, un conte de fées, c'est une présentation de faits qui appartiennent à une catégorie dans un idiome ou un langage qui est approprié à un autre. Exploser un mythe, c'est donc non pas nier les faits, mais les réallouer. J'ai trouvé cette citation dans un ouvrage de Peter Kiwi. Peter Kiwi a écrit un livre qui s'appelle « The Possessor and the Possessed », qui est une contribution à l'histoire du génie, notamment en musique, à partir d'une enquête généalogique sur les conceptions du génie et des études de cas qui étaient consacrées à Handel, à Mozart, à Beethoven. Et Peter Kiwi dit, en commentant cette citation de Gilbert Ryle, « Le problème dans le cas du génie, c'est que nous ne pouvons pas réallouer les faits qui concernent le génie parce que nous ne savons pas ce qu'est le génie. » Or, c'est exactement l'objet de son enquête. Cette indétermination peut être conçue comme une propriété fonctionnelle. Des mots sont mis sur des réalités qui sont épistémologiquement ou peut-être ontologiquement non spécifiables. S'agit-il de nommer des faits ou des réalités non seulement indéterminées mais indéterminables ? Ceci nous entraîne évidemment sur la voie de la grande question du déterminisme dans les sciences et dans l'analyse causale. Et c'est un défi que j'ai évoqué tout à l'heure et maintenant je vais le spécifier un peu mieux en vous exposant les 5 versions possibles de ce qu'on appelle le déterminisme. Il existe 5 versions possibles du déterminisme. Le déterminisme métaphysique postule qu'il était nécessaire que tout événement ou tout état de choses considéré à l'instant présent advint. Autrement dit, tout ce qui devait arriver est arrivé. Et qu'il y a symétrie entre passé et futur. Tout événement passé n'a qu'un futur possible. Tout événement futur se révélera comme n'ayant eu qu'un passé possible. C'est ce genre de situation que manie avec délice l'Uchronie ou les contrefactuels qui réinventent l'histoire pour agiter les problèmes de causalité. Et si, qu'est-ce qui se serait passé si ? Le déterminisme épistémologique fait référence à notre capacité de prévision et de rétrodiction. Il ajoute donc au déterminisme métaphysique la spécification de ce qu'est notre pouvoir de connaissance. Le déterminisme scientifique spécifie les moyens d'exercer notre pouvoir de précision à l'aide de lois ou de règles générales qui gouvernent le monde des phénomènes observables et qui relèvent de théories scientifiques. La description du monde selon ces lois peut être aussi complète que nous le voulons, pourvu que ces théories spécifient un ensemble de caractéristiques de base de leurs objets, qui déterminent de manière unique toutes les propriétés observables de ces objets, et deux, les lois de manifestation de ces caractéristiques dans le temps. Enfin, deux autres déterminismes. Le déterminisme méthodologique ou pragmatique veut que l'incomplétude de notre savoir actuel n'invalide pas le déterminisme scientifique. Il est de bonne méthode de chercher à enrichir le savoir sur la base d'hypothèses déterministes plutôt que de recourir à l'indéterminisme en cas de défaillance explicative. Et il existe d'innombrables travaux de recherche sur les notions que j'utilise, créativité, talent, génie, ou sur les qualités identifiables ou en tout cas présumables chez les grands artistes ou les grands savants, évidemment. C'est le grand problème de savoir comment maîtriser ou comment expliquer ce phénomène si important qu'est la capacité d'invention et de création. Après tout, c'est un des moteurs, comme je l'ai dit ailleurs, ces capacités-là sont peut-être le carburant le plus inépuisable de notre monde. Enfin, il existe un déterminisme que les auteurs appellent « effective », efficace, enfin ce mot effectif est difficile à traduire, mais ce déterminisme demande à ce que soit opérée une distinction entre plusieurs niveaux de théorisation scientifique, le déterminisme valant pour un des niveaux, mais tolérant le recours à des hypothèses non déterministes pour l'étude d'un autre niveau des phénomènes considérés. Une macroévolution peut être soumise à un déterminisme causal strict, alors que des évolutions ou des propriétés spécifiques impossibles à prévoir se soustraient à la prise déterministe. Mais le postulat déterministe demeure dominant parce qu'il oriente l'analyse dans cette dernière version du déterminisme. Dans son livre extraordinaire et à bien des égards énigmatique aussi sur Flaubert, Jean-Paul Sartre écrit à propos du talent que c'est une notion indéfinissable, elle ne se révèle qu'au cours du travail et que c'est en réalité le succès attribué à l'œuvre a posteriori qui est projeté sur l'œuvre. Ironiquement, Sartre parle alors de ces notions, en citant Auguste Comte, de ces concepts métaphysiques, disait Auguste Comte, ces notions qui font penser à la vertu dormitive de l'opium dont parle Molière dans Le malade imaginaire. Si vous vous souvenez, dans la pièce, un étudiant qui est un aspirant médecin est interrogé sur la cause et les raisons qui font que l'opium fait dormir. Et il répond que l'opium fait dormir parce qu'il a une vertu dormitive. Comme l'écrit le philosophe Cyril Michon, qui a écrit sur ces questions, à qui j'emprunte cette citation, le XVIIe siècle a été très friand de telles plaisanteries, auxquelles on doit ajouter, par exemple, la vertu apéritive de la clé. Apéritive, c'est la capacité d'ouvrir. Ou la vertu attractive du croc. Le croc, on peut y accrocher quelque chose, donc il attire les vêtements et y accrocher. Tout ça a été raillé par Blaise Pascal. Mais, ajoute Cyril Michon, Pascal était loin d'être opposé à la notion même de pouvoir causal. En tout cas, le fond de la critique est clair. L'attribution d'un pouvoir qualifié uniquement par son résultat est inopérante. Sa prétention à l'explication scientifique est obscurantiste. Une telle vertu est occulte. Alors, cette controverse ou ce débat philosophique et scientifique a notamment était déplacé sur la qualification de la notion de disposition. Et ça a suscité une abondante littérature en philosophie et au-delà qui ne permet certainement pas de tenir pour le fin mot de l'affaire la condamnation ironique d'une notion comme celle de talent, par exemple, à partir des plaisanteries sur les vertus dormitives de l'opium. Dans le cas du talent ou du génie, l'attribution d'un pouvoir causal à des capacités qu'on ne peut pas spécifier a priori, mais dont on soupçonne la présence chez l'individu admiré, serait évidemment ridicule si ces notions désignaient une cause directe et certaine de la réussite. Le problème est plutôt de chercher à nommer des combinaisons de qualités dont la mise en œuvre a donné lieu à ces réussites hautement admirées. Il faut situer le problème, par exemple, dans une situation d'interaction, comme on le fait quand on veut définir la réputation. En présence d'une réussite remarquable, je m'attends à ce que la personne soit capable de produire d'autres réalisations ou œuvres de niveau en moyenne équivalent ou peut-être supérieur à ce qu'elle a déjà fait. Et si je dois réviser mes estimations au vu des réalisations que j'observe, je modifierai mes anticipations quand j'aurai acquis de nouvelles informations au fil des séquences qui sont ouvertes par la réalisation de nouvelles œuvres et par le jugement qui est porté sur elles. Dans le cas du génie, l'orientation interactive que je viens de décrire est beaucoup plus résolument rétrospective, puisqu'on impute du génie à quelqu'un qui émerge d'une compétition avec toutes sortes d'autres concurrents ou artistes qui sont observés sur l'essentiel ou la totalité de leur carrière, et surtout dans une compétition sur un grand nombre ou un certain nombre de générations d'artistes, ce qui permet d'opérer des classements plus stables entre ceux qui ont subi avec succès l'épreuve du temps. Je retiens donc provisoirement cette première qualification de la différence entre le talent et le génie, celle de deux échelles temporelles différentes et de deux orientations opposées de la flèche du temps. Dans le cas du talent, nous nous situons d'abord dans le temps actuel, celui du cours longitudinal de la carrière d'un individu, qui est fait d'une succession d'étapes, de projets, de réalisations, avec à chaque étape la formation d'évaluation, leur consolidation ou leur fluctuation. Quand un créateur devient visible ou au contraire, une incapacité à obtenir une réputation suffisante pour émerger durablement dans cette compétition. Dans cette temporalité-là, la qualification des aptitudes du créateur est essentiellement celle qui relie une imputation de talent à l'attribution d'une réputation. Dans l'autre échelle temporelle, l'artiste ou le scientifique ou la scientifique sont localisés dans une histoire plus longue et plus profonde afin de les comparer à d'autres artistes ou savants éminents dont les contributions font l'histoire du domaine et ce à des fins multiples. Classement, constitution de patrimoine, de musées, sélection dans des dictionnaires, décision de célébration, des monuments, des noms de rues, des noms de prix, ou beaucoup plus directement, des sélections en vue de programmation pour des concerts ou des expositions, ou pour la mise en collection. Entrer dans une collection d'un musée, ou entrer dans une collection éditoriale prestigieuse, par exemple, entrer dans la Pléiade, qui peut être un indice, si on veut les rechercher, entrer dans les programmes scolaires, un sujet qui a beaucoup intéressé les sociologues quand il fallait objectiver l'institution de la notoriété, comme on dit entrer dans le Larousse, mais aussi décision d'incorporer tel artiste ou telle œuvre d'un artiste, par exemple, à un trésor national interdit de sortie. C'est une disposition juridique très importante qui filtre l'exportation de ce que nous appelons les trésors nationaux. La construction historique des valeurs résulte d'opérations complexes qui emboîtent les séquences temporelles au cours desquelles sont évaluées, réévaluées, consolidées, stabilisées ou déstabilisées les valeurs attribuées aux œuvres et aux artistes. Mais la sémantique qui caractérise les qualités des artistes est, elle, remarquablement parcimonieuse. C'est une échelle ordinale avec quelques graduations simples, mineures, majeures, de premier plan, de second plan, important, significatif, négligeable, original, intéressant. C'est un vocabulaire en réalité très fruste, et même chez les spécialistes. L'échelle s'ouvre vers le haut jusqu'à la qualification du génie à partir du moment où nous avons deux transformations qui se cumulent. Transformation dans la doctrine esthétique qui alimente les schèmes d'évaluation et une transformation faite de changements cumulatifs au XVIIIe siècle, notamment dans la relation avec le passé, avec ce qu'on peut appeler l'institution du passé. Le XVIIIe siècle, c'est le siècle qui a vu l'émergence ou le fort développement des musées d'art public qui présentaient les chefs-d'œuvre des collections des royautés, des empires ou des républiques, qui a vu l'émergence des bibliothèques publiques qui s'étendaient et se hiérarchisaient, qui a vu aussi le monde musical savant consacrer progressivement la formation d'un répertoire d'œuvres de référence sous l'effet de la professionnalisation des interprètes et des orchestres à la fin du XVIIIe siècle et sous l'effet de la formation de public qui allait fréquenter des salles de plus en plus grandes et dans une économie de marché et de concurrence qui prendra vraiment son essor en musique comme d'ailleurs en littérature au début du XIXe siècle. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on va fixer beaucoup plus clairement, notamment en musique, la caractérisation de ce qu'on appelle une œuvre, c'est-à-dire sa stabilité et sa complétude. Auparavant, on pouvait remanier, emprunter, piller, se piller soi-même, recomposer, etc. Il faut bien comprendre ce qui est en jeu ici. La relation avec le passé se transforme sous l'effet de l'institution du passé, mais aussi sous l'effet du déploiement beaucoup plus vaste de l'espace de choix qui est ouvert au créateur, du fait d'une connaissance beaucoup plus directe du passé de leur art. Le grand historien Francis Haskell a montré comment à la fois les pratiques artistiques et le goût variaient beaucoup dès lors que les œuvres devenaient accessibles et n'étaient plus enfermées dans des collections privées de grands mécènes ou de souverains ou de princes. Et donc, il y a un déploiement beaucoup plus vaste de l'espace de choix ouvert aux artistes, du fait de cette connaissance plus directe et du fait d'une pression aussi plus grande à organiser l'activité sur un double front concurrentiel. Les artistes rivalisent entre eux, contemporains, mais de plus en plus, ils rivalisent directement, eux, contemporains, avec les artistes du passé qui deviennent des références admirables ou dépassables, pas seulement pour eux, mais pour un public qui est de plus en plus large, qui a appris à les découvrir et qui a appris à construire ses schèmes de jugement sur cet art qu'il aurait donné à connaître. Et donc les artistes doivent se détacher par leur degré d'originalité de ce passé à dépasser et non plus le conserver de manière révérencieuse. C'est tout l'enjeu. Par exemple, la querelle des anciens et des modernes, qui est une des grandes querelles de l'histoire de l'art et de la littérature, et qui est exactement un des indices de cette infiltration du passé institué dans le travail des artistes. Et cette querelle n'en finit pas, d'une certaine manière. Collège de France et France Culture vous présente le sociologue Pierre-Michel Minguer, la question du talent dans les arts et les industries créatives. Thank you. Sartre, je l'ai dit, juge indéfinissable la notion de talent, mais l'histoire des arts et des sciences nous offre une riche matière de tentatives de définition et de localisation des facteurs de la réussite dans la création et des facteurs responsables des découvertes scientifiques majeures. On peut distinguer trois types d'arguments dans ces explorations. Une explication par des facteurs qui agissent hors du contrôle de l'individu et qui sont éventuellement fixés ensuite sur et dans son tempérament d'artiste ou de créateur ou de savant. Une explication par la dotation individuelle en aptitude qui est la cause originelle d'un écart de performance mais qui demande à être développée sous le contrôle de l'individu. Et d'une certaine manière, ce schéma alimente un regret omniprésent. Par exemple, on le trouve chez T.S. Eliot, qui se lamente en disant que beaucoup de talents ou de génies potentiels n'ont jamais vu le jour en raison de facteurs contrariants et que ce trésor de l'humanité est beaucoup plus abondant qu'on ne le dit. La rareté est provoquée, elle n'est pas instituée. Enfin, une explication par le comportement au travail, dans l'activité de création ou d'invention. Et cette explication place évidemment la situation sous le contrôle direct de l'individu. Alors, je vous donne une citation d'un récit que fait Plutarque au 1er siècle après Jésus-Christ. Donc, c'est pour vous suggérer qu'une histoire linéaire et qui construit un récit, une mise en intrigue bien tranquille avec des progressions, etc., est toujours bousculée par des documents qui vous montrent que beaucoup de choses sont déjà présentes, mais qu'elles seront ensuite diffusées sélectivement ou choisies ou recomposées et recombinées. Plutarque écrit donc au 1er siècle après Jésus-Christ, ses « Vies des hommes illustres ». Il écrit ce grand livre entre 100 et 120 après Jésus-Christ. Et il y a un chapitre qui est le chapitre 5, le tome 5, qui est consacré à la vie de Marcellus, où on trouve ce texte sur Archimède. Archimède avait une âme si élevée, un esprit si profond et une si grande richesse de théorie géométrique qu'il ne voulut jamais rien laisser par écrit sur la construction de ses machines qu'il lui avait acquis tant de gloire et lui avait fait attribuer non une science humaine, mais une intelligence divine. Premier trait intéressant, c'est la divinité. Regardant la mécanique et en général tout art qu'on exerce pour le besoin, comme des arts vils et obscurs, il ne se livra qu'aux sciences dont la beauté et la perfection ne sont liées à aucune nécessité. Ça, c'est l'anti-utilitarisme classique du savant ou de l'artiste. Il ne peut pas se laisser guider par des fins directes, sinon il ne crée pas, et avec lesquelles toutes les autres ne sauraient entrer en comparaison. Dans les premières, la démonstration dispute de prix avec le sujet. L'un donne la grandeur et la beauté, l'autre opère la conviction et donne une force merveilleuse. Dans toute la géométrie, on ne trouverait pas de questions plus difficiles et plus profondes exposées en termes plus simples et par des principes plus clairs que celles qu'Archimède a traitées. Les uns attribuent cette clarté, alors voilà encore des manières de qualifier le talent ou le génie d'Archimède, les uns attribuent cette clarté à sa facilité naturelle, d'autres, exactement à l'inverse, à l'excès du travail qui donne un air si facile à ce qui a le plus coûté. L'art cache l'art, comme on sait. On pourrait bien ne pas découvrir de soi-même la démonstration de certains problèmes, mais après l'avoir lu dans ses écrits, on se persuade qu'on l'aurait trouvé sans peine. Tant le chemin par lequel il mène à la démonstration est facile et court. Il ne faut donc pas refuser de croire ce qu'on dit de lui, que, sans cesse attiré par la géométrie comme par une sirène domestique, il oubliait de boire et de manger, et il négligeait tous les soins de son corps, traînait souvent par force aux bains et aux étuves, il traçait sur les cendres du foyer des figures géométriques et sur son corps frotté d'huile, il tirait des lignes avec le doigt. Il était vraiment très workaholic. Tant cette étude le ravissait, tant il était réellement possédé de la passion des muses. Au fond, vous trouvez ici combiné à peu près toutes sortes de traits qui vont être ensuite distribués de manière soit combinée, soit opposée. Tous ces traits essentiels qu'on retrouve chez les auteurs qui ont écrit sur le génie, les dons naturels, l'intelligence, le dur labeur, l'inspiration divine, donc la créativité, et une personnalité dont le comportement est tout à fait hors du commun, quelqu'un de complètement possédé. Et si on ajoute le fameux récit de la découverte du principe d'Archimède, qui est centré sur le flash soudain de l'inspiration saluée par un Eureka dans sa baignoire, nous disposons, ou qu'il fréquentait peu apparemment, nous disposons de l'essentiel de la matrice. Alors, on peut tenter d'établir une sorte de généalogie des arguments et de les ordonner en une typologie. Et je l'ai construite à partir d'une sélection de lectures. J'ai cité déjà des travaux comme ceux de Peter Kevin, mais aussi des historiens comme Witkover ou Darren McMahon. Je les ai classés en trois catégories. Le génie possédé par l'inspiration, c'est la formule platonicienne. L'inspiration poétique est le produit de la fureur, bien que la notion de génie n'apparaisse pas d'ailleurs dans le dialogue de Platon. Mais on la retrouve dans les versions, par exemple, de Marcille Ficin, un auteur de la Renaissance, un philosophe néoplatonicien, qui incorpore l'idée dans l'idée de fureur divine et qui qualifie aussi les tourments de l'âme de l'artiste et éventuellement ensuite son tempérament mélancolique. Autrement dit, Marcille Ficin endogénéise cette possession par l'inspiration en attribuant un effet de cette inspiration qui tourmente au tempérament mélancolique de l'artiste et à son côté saturnien, comme on dit dans un célèbre essai d'historien des années 30. La version romantique de cette formule, ça sera le pouvoir de l'inconscient et la proximité du génie avec la folie. C'est la version ultime, disons, de l'endogénéisation de ce mécanisme de l'inspiration. Si je regarde ensuite, dans cette conception-là, l'artiste est plutôt passif, l'inspiration divine domine, et donc l'artiste est sous le contrôle d'une force extérieure ou supérieure, ou éventuellement d'une force intérieure, mais qui ne peut pas domestiquer. Le pouvoir de l'inconscient est une qualification de ce mécanisme. D'autre part, c'est une version inégalitaire. Le génie inspiré est différent de nous autres. Il ne nous ressemble pas, il a quelque chose. Et quelle est l'attitude à l'égard des règles ? C'est un critère tout à fait essentiel. Eh bien, l'inspiration prime dans la création. C'est l'inspiration qui donne au résultat sa valeur distinctive. Platon, d'ailleurs, rejette la création contrôlée par cette inspiration d'origine divine. Il ne veut pas que le poète fasse partie de la cité. Il ne rejette pas l'idée que c'est une création inspirée par Dieu, mais il pense que quelqu'un qui est inspiré de cette manière-là n'appartient pas à la cité. Ensuite, on peut regarder comment l'argument a été élaboré. Platon, on peut dire, a eu cette intuition fameuse qu'il n'y a pas de procédure de décision, pas de manuel d'instruction pour écrire de la grande poésie, comme il en existe pour réaliser des chaussures ou des bateaux, selon les exemples qu'il donne ou que donne Socrate. Et même des poètes ne savent pas comment ils ont fait au juste ce qu'ils ont produit. Picasso demandait à ce qu'on enregistre ou qu'on le filme pendant qu'il réalisait des peintures pour savoir ce qui se passait au juste et éventuellement se faciliter la tâche pour l'œuvre suivante. Mais c'est le genre de souhait qui est impossible à réaliser par définition. Kant reprend cette idée en disant « Là où un auteur doit un produit à son génie, il ne sait pas lui-même comment les idées pour ce produit sont entrées dans sa tête et il n'a pas davantage le pouvoir d'inventer à souhait la même chose, c'est la réponse à Picasso, ou de l'inventer méthodiquement et de le communiquer aux autres dans des préceptes qui les mettraient en position de produire des produits semblables. C'est tout le problème. Si j'avais la formule, j'imiterais la manière de faire, pas le résultat, et donc j'apprendrais à créer des œuvres sensationnelles et ultra originales puisque j'aurais l'algorithme. Eh bien, ça ne marche pas. Quelle est l'écho dans la théorie contemporaine, par exemple les recherches sur la créativité, quel est l'écho de ce genre d'idée? Vous savez qu'il y a une célèbre théorie de la créativité qui décompose la situation en phases, notamment en 3 ou 4 phases. Ce sont des idées qui circulent depuis longtemps, même déjà chez Nietzsche, mais qu'on trouve notamment dans un célèbre texte d'Henri Poincaré, le mathématicien français. Eh bien, une de ces phases, c'est l'illumination, le flash, le coup de génie, la soudaine inspiration. Et on la trouve déjà dans la théorie pré-romantique, quand on valorise le premier état de la création, c'est-à-dire l'esquisse qui contient l'élan spontané, avant que lui succèdent des phases d'élaboration qui sont moins riches d'une certaine manière. Et c'est ce qui poussait Diderot, par exemple, à valoriser beaucoup l'esquisse par rapport au résultat final, en disant que l'esquisse avait quelque chose que le résultat final risquait de perdre. Ensuite, voilà la deuxième conception du génie, qui est la conception du génie possesseur de dons et de dispositions naturelles. Elle nous vient notamment d'un célèbre texte de Longin sur un traité du sublime. Le pouvoir de parvenir au sublime, c'est le pouvoir de dépasser les règles de la beauté. Et l'idée fait jouer l'étymologie. L'ingenium, c'est une capacité commune à nous tous, c'est-à-dire un talent naturel, une intelligence innée, une signature en quelque sorte de l'humanité individualisée et immergée dans le monde naturel. Mais alors pourquoi certains ont-ils ces talents plutôt que d'autres? Eh bien, l'explication naturalisante, c'est une capacité d'invention qui est une distribution de loterie, de dotations qui sont inégalement réparties et qui doivent être exploitées par les individus. Le don, comme on l'a vu dans les analyses sur le talent, est une version de la grâce. Ensuite, regardons un peu comment la notion peut être caractérisée. Ici, nous avons affaire à un artiste actif. L'artiste est détenteur de pouvoirs qui lui permettent de créer, mais qu'il doit consciemment mettre en œuvre. Le génie de type longinien a des dons que nous n'avons pas. L'artiste génial est un alter deus, donc c'est une solution totalement inégalitaire. Quelle est l'attitude à l'égard des règles? Eh bien, le génie est défini par sa distance à l'égard des règles, par son caractère librement naturel et pas appris, pas contrôlé par l'application de règles. Comment est-ce que l'argument a été élaboré? On trouve notamment en 1711 un célèbre court essai de John Addison sur l'imagination, et le génie original naturel est infiniment supérieur au génie qui suit des règles. Puis un texte de Burke. Burke, en 1757, écrit que le domaine du génie, c'est le sublime qui dépasse toutes les règles. Le puissant, le grand, le sombre, l'obscur, le terrible. Vous trouverez beaucoup de résonance de tout ça aussi dans le romantisme, alors que le beau est associé à l'harmonie et à la proportion. Et Edward Young, l'auteur d'un célèbre de conjecture sur la composition originale, un ouvrage considérablement influent, écrit en 1759, écrit que l'artiste qui imite a besoin de manufacturer un produit, autrement dit de fabriquer. Il recourt donc au travail, alors que l'artiste génial ne se sert pas de son travail. Il doit simplement reconnaître ce qu'il possède et appliquer cette force créatrice de manière consciente, en ayant une grande liberté à l'égard des règles et une liberté de briser les règles. Enfin, la dernière version, elle est plus brève. C'est la version correspond à une partie de la description de Plutarque sur Archimède, mais vous voyez que dans le texte sur Archimède, on trouvait toutes ces valeurs combinées presque. C'est le génie travailleur obsessionnel, le génie workaholic. Peter Kivy le trouve, par exemple, dans les biographies consacrées à Haydn ou à Bach, plus encore à Jean-Sébastien Bach, qui, comme vous le savez, écrivait des cantates toutes les semaines, et pas seulement, qui était aussi professeur de latin, qui enseignait, qui administrait son ensemble musical, etc., etc., et qui a livré plus de 1000 œuvres, moins que Telemann, qui en a fait plus de 6000, mais d'un autre calibre. Keynes a consacré, le célèbre économiste, a consacré un essai à Newton, et typiquement, ce qu'il retient de Newton, c'est notamment le travail acharné et le pouvoir considérable de concentration qu'avait Newton pendant de très longues heures, et c'est même ce que Newton disait lui-même. Michel-Ange, vu par Vasari, c'est un travailleur obsessionnel, peu sociable, indifférent à son hygiène, lui aussi, insatisfait quand son imagination allait au-delà de ses capacités d'expression, qui en quelque sorte exprimait les limites du travail des mains. Son cerveau allait moins vite, plus vite que ses mains. C'est comme ce qu'on a pu dire de Mozart dans une certaine mythologie. Et un artiste enclin, comme Léonard de Vinci, du moins d'après ce que dit Vasari, au désordre du perfectionnisme, c'est-à-dire l'inachèvement, la multiplication des essais et des erreurs, et les tourments de l'insatisfaction, qui sont typiquement des aliments d'une figure qui sera ensuite romantisable du génie. Si on va vers les caractérisations en termes d'activité ou de passivité, évidemment, on a là une formule du travailleur qui est l'anti-théorie romantique, du moins d'un certain romantisme. Ça n'est plus une formule inégalitaire, c'est une formule égalitaire. Le génie travailleur obsessionnel a ce que nous avons tous, c'est-à-dire la capacité de travailler et de nous concentrer. Simplement, il a un degré supérieur. Donc, ça n'est plus une différence de nature, c'est une différence de degré. Ensuite, à l'égard des règles, les règles sont un soutien dans l'élaboration, mais l'invention les dépasse par le travail acharné qui résout des problèmes inédits. Est-ce qu'il y a un écho dans les travaux contemporains? On peut dire que ce comportement correspond à cette phase qu'on décrit dans les mécanismes de la création ou de l'invention, qui est la phase d'accumulation et de rumination. Il faut pouvoir avoir travaillé beaucoup sur un problème et avoir absorbé beaucoup de connaissances pour chercher à le résoudre. Et ensuite, une fois qu'éventuellement on a eu un flash d'inspiration, il faut passer aussi beaucoup de temps à vérifier que cette inspiration n'était pas une absurdité, mais qu'elle avait du sens. Et les mécanismes sont en feedback, en boucle, parce que vous y revenez quand une solution n'a pas marché. Voilà l'exercice de typologie. Alors, il est très important, une fois qu'on a mis au point ce genre de typologie qui mélange des temporalités différentes, des auteurs différents, des influences différentes, vous voyez bien à quoi ressemble une typologie ainsi construite. Elle peut être, en quelque sorte, assez chaotique, mais elle fait appel à un répertoire de notions et de thèmes qui sont diversement récurrents. Et dans la citation d'Archimède, on pouvait déjà trouver un certain nombre, sur Archimède, on pouvait déjà trouver un certain nombre de ces thèmes. Alors, il est important de déceler où peut être logée la variabilité historique, c'est-à-dire les fluctuations de doctrine et de constats qui s'appuient sur ce genre de notions. En fait, la variabilité et les fluctuations se logent beaucoup moins dans le débat mythologique sur l'origine divine de l'inspiration ou sur les forces surnaturelles ou externes. Et la variabilité ne se loge pas non plus dans l'argument de la distribution inégale des dons, qui à certains égards peut s'apparenter à une description presque tautologique des résultats des évaluations. Les meilleurs devaient donc disposer de dons spéciaux. C'est évidemment un souci si on s'en tient là. Mais la variabilité est logée d'abord dans l'analyse des manières de travailler et dans l'observation des manières de travailler, dans le comportement au travail, dans l'organisation de l'activité, dans son degré d'individualisation, dans la qualification des actes de travail et leurs résultats. C'est à partir de ce lieu de variabilité qu'on peut définir toutes sortes de variables agissantes que sont, par exemple, la constitution des discours esthétiques, la production d'histoires des disciplines, l'évolution des critères de jugement, puisque tout ça, c'est le travail de tout un ensemble de personnel artistique ou para-artistique, et l'élaboration de langages critiques qui soutiennent les opérations d'évaluation des artistes et qui arbitrent des concurrences entre artistes, entre styles, entre écoles, et qui peuvent donc devenir des variables extrêmement agissantes dans les controverses sur l'origine de l'excellence artistique. Que disent en particulier les travaux des historiens et des esthéticiens et aussi les écrits des artistes eux-mêmes, que, comme l'a écrit le grand historien d'art Rudolf Witkower, la réflexivité et l'individualisation progressent d'un même pas dans la création quand les artistes, notamment à partir de la Renaissance, se rapportent à l'histoire de leur art, comme je l'ai dit, pour s'ouvrir un espace de choix et de préférence. Autrement dit, pour travailler autrement. Il y a une citation ici de l'architecte Filaret de 1460 qui dit « Je demande à tous d'abandonner le style moderne, c'est-à-dire l'époque l'art gothique, de refuser les conseils des maîtres qui recommandent de travailler dans ce style, et je loue ceux qui suivent l'exemple des anciens, tel Brunelleschi, qui a fait revivre à Florence l'ancienne manière de construire. » Donc, en déployant une histoire d'un domaine, on se dote de connaissances et d'arguments pour justifier des choix, mais aussi pour opérer des changements dans son travail. Les artistes, notamment à partir de la Renaissance, pouvaient changer de manière de travailler et modifier leur style et leur choix esthétique assez souvent. L'attitude à l'égard de la formation au métier se modifie corrélativement. Par exemple, sur la question de savoir si un apprenti artiste devait se former en se guidant sur un grand exemple, par exemple l'exemple de Léonard de Vinci, ou au contraire multiplier les sources d'inspiration. C'est l'idée qu'a Cennino Cennini, un sculpteur. On recommanda à partir de Vasari et jusqu'au XVIIIe siècle, on recommanda aussi pour se former la méthode de l'emprunt sélectif, comme bon guide pour se doter d'un style de travail et augmenter la qualité de sa production. Et donc, si l'argument est celui d'une plus grande variété de comportements sur la base d'une connaissance plus large des espaces de possibilités, il faut donc se garder de figer cette variété en une hypothèse évolutionniste qui conduirait à des degrés irrésistiblement croissants d'individualisation des styles personnels de travail et de création. En réalité, on a affaire non pas à un schéma linéaire, mais plutôt, pour parler comme Max Weber, à des cycles ou à des alternances entre des périodes d'émancipation charismatique des artistes et des périodes de routinisation de leurs pratiques créatrices. On discerne par exemple dès l'Antiquité grecque une hiérarchie explicite entre l'artiste créateur et individuel et l'artisan anonyme avec de multiples traits de hiérarchisation statutaire. Mais l'histoire de la Rome tardive et du Moyen-Âge est celle où l'organisation artisanale domine le système d'activité. Et pourtant, il y a aussi des signes d'individualisation du travail des bâtisseurs de cathédrales ou des sculpteurs présents sur ces chantiers, puisqu'ils ont pu signer leurs œuvres à ce moment-là. Je ne peux pas, évidemment, détailler beaucoup plus ce rapide survol des éléments de variabilité dans les systèmes de travail et d'organisation, mais on voit bien que les changements commencent à se cumuler à la Renaissance. Le pouvoir de contrôle des corporations dans les villes a ses limites, les carrières des grandes individualités artistiques dans les cours et au service des puissants, c'est-à-dire les princes, les marchands, le pape, le clergé, sont fortement différenciées et soustraites à l'emprise des corporations. L'artiste, du moins ceux qui atteignent de hauts niveaux de réputation, portent, comme on sait en sociologie des professions, la revendication d'intellectualisation du rôle de créateur pour que l'élite se sépare de ce qui la rapproche trop du travail manuel de l'artisan. Le grand artiste devient donc un homme de pensée et de science. Lisez là-dessus le texte « Les analyses magnifiques » de Ernst Cassirer sur Léonard de Vinci. Et cette intellectualisation du rôle s'accompagne de la production d'une littérature historique, théorique et philosophique qui fonde en raison, en quelque sorte, l'émancipation intellectuelle de l'artiste et qui justifie cette hiérarchie artiste-artisan. La personnalité même de l'artiste, qui est éventuellement indocile, fougueux, rebelle, devient une variable active de l'individualisation du travail créateur. Et parmi ces traits figure effectivement le workaholisme, l'obsession pour le travail, mais pour un travail qui n'est pas routinisé. Le grand artiste tel qu'il nous est connu, en tout cas par des biographies qui lui sont consacrées et qui attestent d'ailleurs en elles-mêmes d'une consécration du charisme créateur, le grand artiste peut avoir aussi ses périodes de doute, d'inactivité, de méditation, d'abandon, le non finito, mais qui n'est pas disqualifiant, des périodes de remords sur des erreurs ou sur des impasses. Et donc l'idiosyncrasie des façons de travailler et des façons de se comporter est d'autant plus probable qu'on s'élève dans la hiérarchie des artistes. en tout cas à travers les témoignages qu'on en obtient et qui sont évidemment sélectifs, puisqu'ils sont indexés sur la hiérarchie des artistes. Toutes les analyses qui portent sur l'organisation professionnelle des artistes et sur les tendances centrales du comportement des artistes sont évidemment exposées au démenti des contre-exemples, dès que les études de cas qui portent sur les artistes les plus réputés insistent sur les traits inhabituels et sur le hors-limite. C'est ainsi que Léonard de Vinci ou Michel-Ange sont célébrés par leurs contemporains précisément pour leur capacité à se libérer de toute limite, à se libérer des freins de limitation, ce qui fait d'eux les vrais dépositaires d'un don divin, autrement dit d'une capacité de faire émerger de la réalité soumise aux lois naturelles, celle de la physique et celle de la biologie du vivant, que Léonard de Vinci a par ailleurs très bien étudié, quelque chose qui n'en est plus la simple extrapolation explicable à partir de l'application de règles et de préceptes. Mais au XVIIe siècle, les organisations académiques imposent une autre relation entre l'artiste et son environnement, par exemple à travers la question de la relation entre l'enseignement et la pratique de création. Et le charisme des grands artistes ne se mesure plus du tout à leur génie fougueux, mais à leur comportement individuel au sein d'organisations professionnelles, les académies, qui établissent la hiérarchie des valeurs et la sélectivité des appartenances. Et pourtant, même à ce moment-là, nous l'avons vu avec les écrits de Félibien ou de Roger de Pile que j'ai cités, l'excellence se rapporte toujours à une capacité d'invention et à de nouvelles stratégies de création qui sont admirées pour leur caractère exemplaire précisément parce qu'elles ont quelque chose d'indéterminable, ce fameux « je ne sais quoi ». On peut donner de toutes ces transformations une conception assez efficace, même si elle volontairement simplifie la situation. C'est celle que j'emprunte à Raymond de Moulin dans un essai de 1983, un article de l'artisan au professionnel, l'artiste. Elle écrit « Aucun des modes de professionnalisation de l'artiste n'épuise à un moment donné l'ensemble de la population artistique qui se livre à la pratique artistique, dans la mesure même où le mode de professionnalisation est à chaque époque un des enjeux majeurs de la concurrence entre les artistes pour la reconnaissance sociale et pour les moyens d'existence. On peut dire, au prix d'une schématisation excessive et mutilante, que notre héritage nous lègue trois images sociales de l'artiste, l'artisan homme de métier, l'académicien homme de métier et de savoir, l'artiste créateur, Dieu libre. Les deux premières images sont associées à des modes de professionnalisation. La dernière est une image charismatique destinée à combattre la routinisation des institutions professionnelles, corporations ou académies. » Et donc, derrière le caractère de typologie historique, on pourrait distinguer trois états successifs. On voit bien aussi que Raymond de Moulin veut dire tout simplement que aucune situation ne contient la totalité des comportements et que les comportements, précisément, ont une marge de variabilité qui peut emprunter des traits à ces trois modèles-là en les combinant ou en les distribuant sélectivement. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 17 février 2017 le cours de Pierre-Michel Minguer, La question du talent dans les arts et les industries créatives, suite. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Pierre-Michel Minguer. Je rappelle sa leçon inaugurale, publiée chez Fayard en 2014 sous le titre « La différence, la concurrence et la disproportion, sociologie du travail créateur » et la même année, « En point seuil, en poche, son ouvrage, le travail créateur, s'accomplir dans l'incertain ». Réalisation Anne Sécheret, présentation Myrine Meneghetti. Demain, nous poursuivrons notre enquête autour de la notion du talent et du génie en compagnie de Michel Minguer dans les arts et les industries créatives. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.